lengelaka na mopepe mabeu oh mibatela Gino Zafuila abalekizela e Paris Judith Ezozeka Charbena e otro Tongo tongo sasa ipi la tapasa sedie nokolele mwakuruza na tukwa modimi si mabongo ngai na la tafi de lite Paul Malier, à pointe noire, Kamata Maman a bailli le matin. Qui m'a la houka, qui m'abuse. Kilo bravo, pacifique. Donc, à ma semi, oyo et zangé, singa. Et donc, il a batté haut. Tiens, c'est ton, hein? La keina zato, kasi mote malanga itika yina maboko mayo. Et le président le Kondo. Nana zo banga kaka, si malanga baba tonanga yo yo. Bakumba yo, maboko yo na koki kolanda yo te. Nazo lenga. Ogi luna. Chilite zo zeka. Bashi. Charme na veliki. Mama. Vite le kateo. La grande dame de la RDC. Zero e. Mode Solo foi a locuta Pouba bebi sa bolingo A la guitarra custa Monga baset bides Eba Deni mulamba Lia mouma kasi koka tanzetete Nelke sa lo foi anzu Oye zana Le commandant Doudou Jules Massoua Nani Toumambou Freddy Kebano Naomi Dallas Edith Kayi, Maman papa ça n'a soin Touché, touché, Sami Kumba Massa Lucienne Chimanga Olivier Katou et King Vako. La la la li mwende, kwa sabota makina kini. Solo to soualie, na mote mama kasi mwazame. Bebo ya maluba ebele, na bakupe ebele. Mwende salo mwela mzu, Hélène Kalema. Ariette Kanjinga Idi Masiala Laura Tendance Mami Lela La Voix Nationale Fabrice Nkulayaki La première dame de Lausanne, merci Koya Gobelisha, Béa chérie moi, Benjamin Kanza, Londres, Solo Lunga mene. Ani Joseka, resto la savane. Hymne national, Alex Fumusi. Mama Bipendu, Dona Monica. L'homme au poumon d'acier est le PDG Verkis qui a mangé la matéta.